Ah ouais, excuse. Ma musique. T'es pas pire, toi, là. Veux-tu que je chante? Je sais pas ce que je dis, moi, je suis pogné dans l'astral. Si t'avais le paquet de questions d'astral que j'ai dans les mains, tu serais pogné, toi aussi. Feu, on t'écoute. Bon, ici, Daniel, il y a une question qui... Il y a une question, dis-moi-en. M'a été expliquée un petit peu, qui fait beaucoup de sens. Parle-moi de la compétition olympique ou autre. Soit des compétitions de hockey, baseball, soccer, football, ainsi de suite. Ou compétition politique, par exemple. À quoi sert-elle, vient-elle de l'astral et sa raison d'être, surtout? Bon, la compétition, premièrement, vu l'étape évolutionnaire où l'homme est rendu, c'est quelque chose... La compétition olympique, c'est quelque chose qui est extraordinaire puis qui pourrait régler énormément de problèmes en ce qui concerne nos apocalypses, ou etc. Le seul handicap qu'il y a, c'est que la compétition olympique, présentement, ne règle pas le problème. Elle ne fait que nous démontrer qu'il existe un problème. Parce que tu vois, les Olympiques à Moscou, mais tu n'en entends pas parler. Ça fait 8 ans que tu n'as pas eu d'Olympiques sur la télévision à Montréal. Tu as eu les Olympiques de 76 à Montréal et les Olympiques de 84 à Los Angeles. Et puis, à Moscou, on n'a pas entendu parler. Le contingent soviétique et leur pays dépendant ne sont pas à Moscou. Il y a toujours des choses dans le genre, ce qui fait que normalement, disons qu'à l'époque de la Grèce, les Olympiques, c'était le fun. Pourquoi? Parce que même les pays en guerre, il y avait une trêve qui était respectée pour les Olympiques. Puis en plus des sports, ben, on essayait d'impressionner évidemment les ennemis, puis on essayait aussi de régler les problèmes. Aujourd'hui, les trêves ne sont pas respectées. On a présentement à Los Angeles, il y a du monde qui vient de l'Irak, mais il n'y en a pas de l'Iran. Pourquoi ils sont en guerre? Alors, il y a des choses dans le genre. La compétition, c'est quoi? Ben, premièrement, c'est la base de notre système d'éducation, ce qui est totalement ridicule. La compétition olympique, c'est moins pire. Pourquoi? Parce que vous allez voir des championnats de boxe ici à Montréal, puis on n'a pas le même genre d'atmosphère que championnat de boxe olympique. C'est-à-dire que, comme hier, on a vu les haltérophiles, par exemple. Alors, il y a un athlète qui vient pour lever son poids, puis qui manque son coup en premier essai. Ils ont droit à 3 essais. Le monde applaudit tout. Deuxième essai, manque son coup. Tout le monde applaudit même chose. Troisième essai, quand il monte sur le plateau, ça applaudit tout d'avance pour l'encourager, ce qu'on n'a pas ailleurs. Il va essayer de lever son poids, manque son coup, ça applaudit plus fort que celui qui a réussi à lever le poids. Alors, ce qui fait que, en fin de compte, si, mettons, que l'atmosphère des Olympiques, c'est vraiment différent de la compétition qu'on connaît, nous autres. Moi, si je vais, j'ai été longtemps en compétition de judo. Quand j'allais à une compétition, c'était pour moi. Je me battais pour moi, c'est-à-dire que je voulais voir ce... J'ai pratiqué des choses. Je me suis entraîné, puis en même temps, on peut voir un certain résultat et surtout une maîtrise sur notre système nerveux. Savoir si on va aux toilettes tous les 15 minutes ou tous les 5 minutes, ou ben non, ça n'y va pas. Si on est nerveux. Comme ils ont aussi aux Olympiques. Et la majorité des athlètes qui vont aux Olympiques, c'est une finale ou du moins un tremplin pour continuer à s'entraîner. Mais c'est pas pour montrer à personne qui sont les meilleurs. Ils ont une certaine fierté par après, mais on peut remarquer qu'ils montent souvent des gros plats de ceux qui gagnent les médailles d'or parce qu'ils pleurent, hommes ou femmes. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, c'est pas du tout la compétition qu'on connaît. Ça n'a aucun rapport. C'est une compétition qui est plus saine. La compétition, c'est astral, oui. Pourquoi? Parce que la psychologie même mémorielle nous enseigne, puis ça, on l'apprend à partir de notre tout jeune âge, quand on est haut comme ça, même quand on est en projet, jusqu'à aujourd'hui, où ce qu'on en est rendu. Elle nous enseigne, la vie nous enseigne, la société nous enseigne, nos parents, tout notre système d'éducation nous enseigne que, premièrement, tu devrais être meilleur, parce que si t'es pas meilleur en mathématiques, en français, en conditionnement physique, en n'importe quoi, même en compteur de menterie, si t'es pas meilleur, ben, ce qui va arriver, c'est que des autres vont t'exploiter. Pourquoi? Parce que tout notre schéma de société est un schéma, justement, qui prône l'individualité et qui prône, évidemment, la suprématie d'un individu ou encore d'un petit groupe d'individus sur les autres, ce qui fait qu'on s'entraide pas entre voisins. Le Québec, surtout, de toute façon, est reconnu comme étant un peuple qui vont beaucoup plus se nuire que s'aider. Si on regarde aux États-Unis ou si on regarde dans bien d'autres pays où ce que les individus vont s'entraider. Ça commence à changer parce que les jeunes sont tannés. Il y a quelques personnes plus âgées aussi qui sont tannées, mais encore là, la masse québécoise, c'est quelque chose qui a de la misère à se tenir trop compétitive. On est tellement compétitifs, nous autres, ici. Puis pourquoi c'est pas bon? C'est que non seulement, je sais pas que je veux être le meilleur, c'est que je veux que tu sois pas bon. Alors, ce qui fait qu'il y a bien des choses qui se font en sport où on triche pour dénigrer l'autre. Pas, moi, je me pratique pas pour être meilleur. Jusque-là, ça peut toujours aller. C'est un peu aberrant, quand même, comme système d'éducation, mais c'est moins pire. Alors, ce qui fait que, à l'école, ça va arriver souvent quand on est jeune, que tu vas froisser le devoir de quelqu'un, comme ça, tu es sûr que la maîtresse, elle l'aimera plus. Au lieu de toi faire mieux pour qu'elle t'aime, tu t'organises pour qu'elle aime plus lui, donc il va rester avec toi aimé. Bon, ça baisse l'autre, puis t'as monté. C'est ça. Alors ça, c'est un système de compétition, puis le Québécois, il est passé maître là-dedans. Disons que là-dessus, il a compétitionné tous les autres pays de la planète. Il gagne. Mais je pense, Daniel, que c'est on parle un peu au passé aussi. Dans oui, ça, je disais, comment ça a changé? Les nouveaux, les jeunes... Les jeunes, surtout. L'idée même de la compétition, c'est quoi? C'est ça. C'est que moi, apprenant que n'étant pas... Premièrement, je peux constater que d'autres sont supérieurs à moi. Et moi, je vois, au niveau de ma mémoire, ce que je suis, ou surtout, ce qui est important, ce que je pense que je suis. Puis voyant ça, de par ma mémoire, parce que moi, je me connais pas d'après ce que je suis, parce que présentement, je suis un bonhomme assis sur une chaise. Je suis bon, je suis pas bon, je peux pas me juger à partir du fait que je suis assis ici. Je peux dire je suis pas bon par rapport à ma mémoire. Je suis pas bon en telle chose, en telle affaire, en telle affaire, en telle affaire. Je vois les Olympiques, mais je vois un bonhomme faire le soleil autour d'une barre parallèle, puis après ça, il fait un triple piru arrière pour arriver à terre. Si à partir de lui, je me compare, je peux me trouver réellement pas bon. C'est bien évident. Mais notre compétition, tout le système d'éducation est fait dans le sens que tu dois avoir des meilleures notes. On met des petites fleurs, des petites étampes à ceux qui ont des meilleures notes. Ça encourage, mais c'est une façon, disons, qui est aberrée. Pourquoi? Parce qu'elle pousse l'individu qui est vainqueur à risquer de souffrir de complexes de supériorité, mais surtout, elle oblige la masse perdante à souffrir de complexes de culpabilité. Puis la culpabilité, bien évidemment, c'est l'échec de la compétition pour la grande majorité. Alors, ce qui fait que la compétition elle-même, c'est un phénomène astral. Pourquoi que je veux être supérieur à un autre? Si je veux m'améliorer moi, non pas pour être supérieur à moi, mais parce que c'est évident qu'en étant supérieur, logiquement, mentalement, pas émotivement, pas astralement, donc, si mentalement, moi, je sais qu'en m'améliorant, j'arrive à certaines choses que je peux faire que normalement je suis pas capable de faire. C'est pas une compétition, c'est un travail, un entraînement, un travail, un développement. Ce que vous faites présentement, vous essayez de comprendre des choses. La grande majorité essaie de comprendre pour lui-même, pas pour pouvoir dépasser un autre. Il y en a des exceptions encore, même dans le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité, ou du domaine intellectuel, ou n'importe quel genre de domaine. La compétition envers soi, disons que c'est la seule qu'on devrait accepter, quoi qu'elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à se compétitionner. Si on comprend intelligemment, donc mentalement et non pas astralement, le mental, c'est quoi? C'est la faculté que l'homme, je le répète souvent, mais c'est bon qu'on le répète, c'est l'intellect. C'est la faculté que l'homme de se servir de sa mémoire, mais d'une façon coordonnée, d'une façon logique. Et quand notre émotivité, donc notre astral, vient teinter notre mental, automatiquement, il fait que vous allez vous payer un auto que mentalement, vous savez ne pas pouvoir payer, mais que émotivement, astralement, vous voulez absolument avoir parce que c'est beau, parce que vous allez vous sentir bien, parce que vous allez compétitionner un autre, parce que, etc. Alors, ce qui fait que si, mentalement, on est capable de voir pourquoi moi, je dois me perfectionner, autant physiquement que dans tous les domaines, ben c'est pas une compétition, même si de l'extérieur, ça a l'air d'une compétition, mais c'est mental. C'est un travail de développement. C'est une évolution. Une évolution, c'est pas une compétition. Une compétition, c'est pas une évolution. Alors, ce qui fait que, à quoi sert la compétition? Dans un laps de temps évolutionnaire où l'humanité ne pouvait pas avoir un mental qui lui permettait de comprendre l'utilité de s'améliorer, mais automatiquement, en instaurant la compétition dans l'évolution de l'homme, puis ça, c'est pas l'homme qui l'a fait, ça date de bien longtemps, la compétition. Les Olympiques datent de la Grèce à l'époque de Sparte, puis de tout ça, hein, d'Athènes, puis de Sparte. Alors, ce qui fait que ça date de très, très longtemps, c'est dans l'époque de Philippe de Macédoine, d'Alexandre le Grand, justement. Alors, ce qui arrive, c'est que la compétition étant instaurée, l'individu qui n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre pourquoi elle doit s'améliorer, un enfant, il peut pas comprendre pourquoi il faut qu'il apprenne les mathématiques. À l'âge de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, puis même encore à l'âge de 20, 21, 22, 23, 24 ans. Alors, ce qui fait que s'il ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas la possibilité intellectuelle de le comprendre, puis ça, c'était l'homme, là, disons, quelques années aller en descendant, bien, automatiquement, au niveau astral, il y avait la compétition qui a obligé l'homme, par vanité, par orgueil, à perfectionner l'humanité. En 1929, ça prenait, disons, là, j'ai pas les chiffres, là, mais disons que ça prenait 35 secondes à courir 1000 mètres. En 1984, ça en prend 12,3. Puis, à l'époque, ça en prenait 30 et c'était impossible de battre ce record-là. L'homme ne pouvait pas courir plus vite, disons, que 25 000 à l'heure. Aujourd'hui, l'homme peut courir jusqu'à 47 puis 48 000 à l'heure. Pourquoi? Parce que l'homme s'est perfectionné. L'homme peut mémoriser bien plus de choses que v'là 400 ans. Même si à l'époque, la limite humaine était telle chose, aujourd'hui, c'est tellement dépassé. Alors, ce qui fait que la compétition, elle a été bonne parce que l'homme n'avait pas la capacité intellectuelle de comprendre l'utilité de l'évolution, l'utilité de la perfection, du perfectionnement. Ces changements-là, Daniel, on les voit pas parce que c'est à peu près comme vivre avec ses enfants qui grandissent. Tu les vois pas. À un moment donné, il résonne, puis à un moment donné, il résonnait pas. Puis quand est-ce que ça a changé, tu l'as jamais su. C'est la même chose pour l'humanité. Mais la compétition, je pense, fait partie de l'ère du poisson. Exactement. Qui est l'ère de la croyance. La compétition génère la jalousie, génère le gros égo pour c'est ça. Énergiser l'astral de façon à ce qu'on puisse s'en servir pour l'ère du Verseau. Donc, la compétition olympique, c'est disons que c'est le c'est une compétition spirituelle. Ce serait le summum de la compétition. C'est beau, c'est correct. Parce que l'athlète qui a médaille d'or, ben, il prend les deux mains des deux autres puis il lève. Le pays, on s'en fout. Hein? Puis le public applaudit quel que soit l'athlète. Puis on peut le voir réellement au niveau des Olympiques. Alors ça, est-ce qu'on pourrait dire que les Olympiques seraient de la haute astrale? Exactement, de la place spirituelle. Et puis qu'un combat de boxe dans un gymnase malsain serait de la basse astrale? Vois-tu, aux Olympiques, tu as des choses qui sont... Tu vois que c'est correct, c'est bien. On encourage les perdants. Dans une course, celui qui s'enfarge, ben, tout le monde se met à applaudir quand il se relève. Puis il continue, puis c'est le dernier, ben, on applaudit jusqu'à temps qu'il arrive pareil. Puis ça, je l'ai vu à Montréal, puis on peut le voir à la télévision, là. Moi, j'ai arbitré pour des compétitions de judo, où j'avais des petits bonhommes de 7-8 ans. Puis à un moment donné, une fois, il a fallu que j'arrête le combat pour demander à deux des parents de bien vouloir se casser la gueule dans la salle ou de sortir. Parce qu'il passait le temps à crier à le jeune, ouais, du sang, fais-le saigner, puis tu sais, bon. Alors, ce qui fait que dans les. T'as bien des combats, justement, ou t'as bien des compétitions, quelle que soit compétition, c'est du basse astral, c'est-à-dire dans le sens que c'est de l'astral qui a une vibration basse, qui se rapproche de la matière, et cet astral-là, par définition ésotérique, là, pour ceux qui le savent pas, ben, ça va être la peur. Quand vous faites un cauchemar, c'est parce que vous avez peur, et cette peur-là amène votre conscience à réellement sortir puis d'aller dans l'astral. Puis la peur, ben c'est un moyen, une technique de faire un voyage astral conscient. Mais c'est une technique hyper dangereuse si l'homme ne peut pas contrôler ça. Et si l'homme se sert de cette technique-là, l'homme ne contrôle pas ça, sans ça, il irait dans l'astral spirituel. Dans l'astral bas, ben, on a tout ce que les clochards, les alcooliques, les drogués vont voir lorsqu'ils reviennent de leur voyage, leur bad trip qu'on appelle. Alors, on a des formes en formation, des êtres en formation, puis on a tout ce qui a pu se passer en termes vibratoires bas, les meurtres, les viols, les rixes, les guerres, ce qui fait peur. Alors, quand vous faites un cauchemar, vous êtes tellement conscientisé dans votre voyage astral que votre corps physique se met à avoir une accélération cardiaque, transpiration, des gesticulations, il y a même des personnes qui en meurent, mais habituellement, tu te réveilles d'un coup, puis tu continues ton voyage astral, même réveillé. Alors, faut que tu allumes la lumière. Puis même là, tu peux encore voir des formes, les enfants surtout, mais l'adulte finit par s'intellectualiser un peu plus, donc par se raisonner, mais il y en a encore qui ont peur. Alors, la base astrale, c'est ça. L'astral spirituel, on parle justement comme les Olympiques. Mais dans l'astral spirituel, on a toutes les formes pensées qui sont bonnes pour l'humanité, dans le sens qui vont aider l'humanité à avancer. On a les mémoires des grands maîtres, évidemment. Les mémoires des actes qui sont corrects. Alors, ce qui fait que les Olympiques, c'est justement une compétition qui est tirée de l'astral spirituel, donc qui est manipulée par l'astral spirituel, l'astral qui est encore bonne pour l'humanité, mais qui un jour va devenir satanique parce qu'elle va retarder l'humanité. Présentement, c'est encore Yavik, c'est encore bon pour l'humanité. Mais l'astral bas, il est satanique, lui. Il retarde. Si on regardait juste une autre facette, j'aimerais poser une question, disons, de comparaison. Est-ce que les grands initiés, qui dématérialisent leur corps et rematérialisent leur corps, le font à travers l'astral ou bien s'ils le font à travers d'autres, soit le mental, le supramental? Ou... Ça serait pas compréhensible puis trop long à expliquer. Parce qu'il y a plusieurs personnes, je pense, Daniel, qui ont écrit des livres sur les voyages astrales basés sur ce que Babaji faisait, sur ce que le comte de Saint-Germain faisait, et ils appelaient ça des voyages astraux. C'est ça. Je parlais de voyage encore, mais même c'est la ça. Dématérialisation, c'est pas un voyage. Je trouve ça trop long à expliquer, Puis l'individu qui fait ça, c'est un individu qui a ajusté le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental supérieur, le corps bouddhiste, puis le corps divin. Alors, ce qui fait qu'en partant, il n'y a pas beaucoup, je ne sais rien qui l'a fait, qui a fusionné ces corps-là, lui, après la crucifixion. T'en as d'autres, mais c'est pas un voyage astral, puis ça, ça n'a aucun rapport avec l'humanité présente. Alors, ce qui fait que ça arrive, on en parle. Parce que ça a mélangé beaucoup, a amené beaucoup de versions des voyages astraux. Justement, le fait de sortir du corps vient de là, je pense. Exactement, les gens oui. Pensant que parce que le comte de Saint-Germain faisait sors ça, de ton corps, que c'était un voyage astral qui se faisait. C'est ça. Moi, juste faire une petite parenthèse là-dessus, je pense que ça peut être assez intéressant. Le fait qu'on dit souvent que quelqu'un qui fait une sortie astrale peut revenir, pas être capable de rentrer parce qu'un autre corps astral a pris possession. Quand vous faites un voyage astral, vous ne sortez pas. Vous êtes vous-même, vous avez une vibration mémorielle et tout d'un coup, cette vibration-là se met à vibrer selon un harmonique. Donc, ça rentre en harmonie, en concordance avec votre âme, c'est l'enveloppe qui limite votre astral personnel et le centre de ça, c'est votre ego, votre identité. Alors, l'âme, évidemment, l'astral, donc le Dieu dans le ciel et ses religions qui ont vénéré le Dieu dans le ciel, ont dit à l'homme que l'homme devait conserver son âme. Et l'âme était immortelle. Mais l'âme, elle est mortelle, et l'âme, un jour, devra disparaître pour permettre à l'homme de pouvoir rejoindre Dieu. L'âme, c'est ce qui contient l'astral individuel de l'être, et à l'extérieur de l'astral planétaire. Le voyage astral, c'est quoi? C'est pas toi qui sors de là, tu sors pas de ton âme. Tu voyages pas que ton âme non plus, même si on appelle ça un voyage de l'âme à un moment donné. Ce que tu fais, c'est que tes vibrations de ta pensée, dans ton sommeil ou dans ton voyage conscient, finissent par être en harmonie avec la même sorte de vibration dans la mémoire planétaire. Donc, automatiquement, ta conscience peut sortir, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas, mais tu as connaissance de ces connaissances. Tu peux prendre contact avec ces connaissances-là, avec ces mémoires-là, comme tu le fais à l'intérieur de toi. Mais ce qui arrive, c'est que cette mémoire-là qui pénètre en toi, bien, elle reste après dans ton astral à toi. Donc, tu peux avoir l'impression que tu es possédé par quelqu'un d'autre. Si tu vas dans un astral bas, pas dans un astral haut. Mais t'es pas possédé, mais tu l'as en toi. Si tu vas voir le film L'Exorciste, t'arrives chez vous en shakant, puis t'as peur. Ben, ce que t'as vu, c'était là, c'est rentré par tes yeux dans ta mémoire à toi, et maintenant, c'est à l'intérieur de toi. Mais t'es possédé par le film, mais t'es possédé par ton imagination, t'es possédé par ton astral. À ce moment-là, ce que l'on croit devient vrai. Oui, si tu penses que tu parce es que tu le crois, même si c'est pas vrai. Par une entité, tu vas devenir possédé par même une entité. Même si c'est pas vrai. Parce que tu as le contrôle sur l'astral, que tu saches ou non, tu as un contrôle intégral. Alors que dans l'astral, si tu reviens, il y a quelqu'un dans toi, c'est ce que tu imagines. Qu'est-ce que tu as à faire? Ben, bras écrit, pète, rousse pète, dors, puis à un moment donné, tu te réveilles dans ton corps. Par contre, tu peux être possédé par ce qui reste. Un homme ou une femme qui voit son fils se faire étrangler, ben il reste possédé longtemps maudit par cet événement-là. Il reste possédé par cet événement-là. Il faut l'exorciser pour pouvoir le guérir. Ou il y a d'autres moyens qui peuvent, à la longue, y amener la même chose. Mais il est possédé par l'événement qu'il a vu. Tu le fais dans l'astral, tu le fais dans le physique, tu perçois juste par ta psychologie mémorielle. C'est parce que c'est dans ta mémoire que c'est là. Sans mémoire, c'est plus là. Même toi, si on efface ta mémoire, t'as un lavage de cerveau. T'as même plus d'identité. Ben, Satan ou n'importe quel être que tu crois te posséder n'aura pas d'identité non plus s'il n'y a pas de mémoire. Donc, il faut que tu aies une mémoire pour qu'il reste dans toi. Puis c'est justement comme l'événement ou comme un voyage astral. Mais tu restes pas possédé. Par contre, ça peut donner le même maudit feeling. Un exorciste, un lavage de cerveau fait dans une région déterminée de ton astral. Pour changer les vibrations. C'est ça. Au lieu de prendre une parce que quelqu'un qui possède, c'est quelque chose de négatif, tu fais appel à des égrégores astrales, t'as pas le choix, positifs, automatiquement, ils viennent finir par augmenter les vibrations du phénomène négatif qui te possède, puis lui se transforme en quelque chose de toi. Maintenant, t'as dit, t'as pas le choix. Ça, c'est dans l'air du Verseau. C'est pour l'homme. Dans l'air où on est en train d'entrer présentement, les gens qui ont accès à l'énergie surmentale ou supramentale peuvent se servir de cette énergie-là pour... Oui, c'est très rare. Je te parle de la masse encore pour l'instant. Oui. À un moment donné, ça va être la masse qui va pouvoir le faire, mais pas pour l'instant. Mais il y a des individus qui le font. Ce n'est pas nécessairement qu'ils le font, mais qui peuvent le faire présentement. Oui. Voudrais-tu expliquer le phénomène de ne pas être capable de dormir parce qu'on pense trop? J'ai souvent l'impression que ces pensées sont extérieures à moi et que ces pensées sont principalement émotives. Explique, s'il vous plaît, Robert. Bon, Alors, les pensées sont toujours... Les pensées, c'est-à-dire qui viennent nous empêcher, sont plus souvent qu'autrement émotives. Elles peuvent apparaître sous un caractère intellectuel, c'est-à-dire que j'essaie de régler un problème, donc c'est intellectuel. Mais je veux régler un problème, pourquoi? Parce que c'est un problème, ça, c'est émotionnel. Alors, ce qui fait qu'en partant, c'est toujours, Robert, c'est toujours émotif. Maintenant, le phénomène même de la pensée, j'ai souvent dit que la pensée, c'était comme un vieux singe qui se promenait d'un arbre à l'autre. À un moment donné, il faut saisir le singe. Hein? Alors, voilà. L'astral même, premièrement, tu peux pas... Le phénomène même de ne pas dormir, c'est parce qu'on n'a pas le contrôle. La partie mentale n'a pas le contrôle sur la partie émotive. Et ce qui fait que là, tu peux arriver à dormir en comptant, comme tout à l'heure on faisait. Tu peux arriver à dormir en faisant du sport, c'est-à-dire que tu prends des douches avant de dormir ou tu vas faire du jogging dehors, tu reviens. Il y a bien des choses qui sont une solution, disons, un peu plus rapide. Mais en parler ici, ça serait parler de tout le discernement. On en a déjà parlé, puis on va le refaire, mais ça serait répondre à la question en faisant une conférence qu'on va faire à un moment donné. Mais c'est les idées mêmes, ce qu'on a justement qui vient de l'extérieur, peut venir de l'extérieur. Mais quand on parle de l'extérieur, en réalité, c'est toujours l'intérieur, c'est-à-dire que toi, tu es en contact avec d'autres choses. Mais ta conscience restant à l'intérieur de toi, tu peux pas dormir. Si tu ouvres tes centres aussi, Daniel, il y a des gens qui, par exemple, vont lire, ils achètent la cosmogonie d'Urantia, puis ils passent 1 heure, 2 heures, 3 heures par soir à lire ça, puis ils s'en vont se coucher. À ma connaissance, ainsi que l'ayant vécu, c'est impensable de dormir. Non. Parce que là, tu rouvres tes centres, tes vibrations, tu les hausses. Alors, tu attires une énergie plus subtile qui est plus forte, c'est un phénomène dense. Qui peut t'éliminer aussi le besoin de fatigue. Mais oui. Ça, c'est quand même assez rare. Mais présentement, disons que je ne peux pas répondre clairement à cette question-là. Il faudrait que je prenne le reste de la soirée pour y répondre. Puis je pense qu'il y en a qui ne seront pas contents, contents. De toute façon, Robert, à un moment donné, on va revenir là-dessus. Puis on va en parler, de façon approfondie. Ce que tu amènes avec ça, probablement le phénomène de ne pas être capable de dormir. Là, on parle automatiquement du contrôle que n'a pas l'intellect sur l'émotivité. Parce que l'intellect, s'il sait qu'il doit dormir, bien, il sait. Mais l'émotivité vient prendre sa place quand lui s'en va. Et puis, j'ai souvent l'impression que ces pensées sont extérieures. Bien, ça, c'est simplement, c'est typiquement astral. Elles peuvent être intérieures ou elles peuvent venir d'une mémoire extérieure à ta mémoire à toi, mais c'est parce que tu es en contact avec ça. Alors, ce qui fait que changer ton taux vibratoire sur l'instant, par exemple, il y en a qui vont se saouler. Bon, bien là, ils baissent leur taux vibratoire, ils sont plus en contact avec ce qui rentre, ça fait qu'ils peuvent dormir. Bon. Tu peux faire du jogging, comme je te dis. Tu peux crier. Je te conseille pas de boire, mais tu peux crier. Mais si tu arrives le moindrement à changer ton taux vibratoire, le taux même où ce que tu es présentement, c'est ça qui te met en contact, ben, tu peux arriver à dormir. Ou tu peux arriver à penser à d'autres choses. Donc, tu restes en contact. Mais c'est très, très, très, très long à expliquer. C'est une bonne question, mais disons que je peux pas répondre. Il y a plusieurs avenues à voir. Ce serait bullshit de dire que je réponds en 5 minutes à une question comme ça, non. Est-ce qu'en faisant un voyage astral, je peux aller dans les mémoires d'un musicien comme César Franck, par exemple, pour aller chercher des connaissances musicales qui pourraient accélérer mes études musicales? C'est signé Richard? Un petit bonhomme. Un petit bonhomme avec 2 petites pattes puis 2 petits bras et une petite tête. Ah, c'est Richard. Dans l'astral, on peut aller fouiller dans n'importe quoi. On peut aller fouiller dans des connaissances directes. Il n'y a aucun problème. Ça amène à augmenter les connaissances musicales. Mais le seul problème qu'il y a, vois-tu, c'est que quand on veut faire quelque chose comme ça, c'est que c'est un désir émotif, c'est un désir astral, parce qu'on voit qu'on pourrait être mieux, puis qu'on ne l'est pas, puis qu'on cherche à l'être, etc. Plus facile, plus vite. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça. On a souvent dit que c'était pas bon, mais ça, c'est pas grave. L'homme intelligent fait plus facile et plus vite. Ouais. Lui, il est wise, il est intelligent. Le cave, il fait plus difficile et plus long. Mais l'attirance de ça, habituellement, la raison de ça, habituellement, c'est pour faire ça plus Oui, mais vu que c'est un désir émotif et astral, tu peux avoir énormément de complications à le faire, parce que tu vas voir d'autres choses. Puis comme c'est un désir émotif qui dirige ton voyage astral, ce qui est la majorité des cas quand même, ben ce qui va arriver, c'est qu'en voyant d'autres choses, tu peux être continuellement distrait par d'autres choses que tu vas voir, ce qui fait que ça peut être très long avant que tu arrives là. Bref, ça peut être plus rapide à un individu à apprendre à jouer de la musique qu'apprendre à faire un voyage astral pour apprendre à jouer de la musique après. Mais c'est évident que quelqu'un qui peut en faire, qui peut aller là, va le faire. Mais quelqu'un qui peut en faire, qui commence à en faire consciemment, au niveau où est rendu le petit bonhomme ici, là, ben, ce qu'il va faire, c'est que quand ça va marcher, ben, il va aller chercher des choses drôlement plus intéressantes que la musique. La musique, c'est bon, en mot t'as dit. Il va apprendre à jouer de la musique en allant chercher d'autres choses. Parce que tu ne fais pas croire qu'un grand maître sur la terre, que si tu lui donnes une guitare des mains, il ne pourra pas jouer de la guitare. Il va jouer de la guitare, oui. Même s'il ne l'a pas appris. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'il y a d'autres choses. Quand l'individu qui recherche quelque chose arrive, tu veux, toi, juste, par exemple, voir... disons, un exemple comme ça, là. Voir à quoi pourrait ressembler un jardin zen. À qui tu te roches, les 13 roches, placé de façon à ce que, de n'importe quelle manière où tu te places, tu peux pas toutes les voir. Bon. Puis avec des rods, c'est des petites lignes là-dessus, tu sens en sable, là. Tu fais un voyage astral, tu arrives, tu vois ça. Tu te emmènes à nez avec un maître bouddhiste zen, puis commence à te parler. Tu vas-tu encore vouloir visiter ton jardin de sable avec les roches? Non. Alors, le moindrement qu'une personne arrive à faire un voyage astral, réellement consciemment, vu le niveau d'évolution de ceux qui vont le faire présentement, vu à 15 ans, c'était pas pareil. Le gars, il allait voir des filles qui changeaient, ou la fille, allait voir des gars qui changeaient chez eux, tu sais, parce qu'il était trop, il voulait voir du monde à poil. Bon. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, pour la majorité. Alors, ce qui fait que, je parle pas pour toi, là, je parle pour le monde qui évolue, là. Mais, non. Mais ce qui arrive, c'est ça, c'est que l'individu qui est rendu à un certain niveau de conscientisation, même si l'astral le pousse à faire quelque chose, quand il va être rendu à le faire, il risque de changer de chemin. Oui. Tu vas voir. Daniel, est-ce qu'une personne qui, par exemple, veut, que ce soit Beethoven ou n'importe quel musicien, au lieu de partir et aller faire un voyage astral, réalise ou bien se dit et croit, là, puis il le vit là, intensément, que dans son corps, il y a tout, mais tout, pour avoir accès à apprendre aussi vite qu'il peut, parce que l'univers s'il est en lui, puis il vit ça, puis il s'assied à son piano, puis il commence à jouer du piano. Ben, c'est un maître, il y a beaucoup plus de chances... Ah, il va jouer tout de suite instantanément. Il y a beaucoup plus de chances d'arriver plus vite que de faire un voyage astral. Vois-tu, l'harmonie dans l'homme, ça existe déjà. L'homme, il n'a pas inventé un instrument de musique sans savoir c'était quoi la musique, sans savoir c'était quoi une harmonique. T'as assez gros de faire un violon chez vous, tu vas voir. Bon, mais à un moment donné, il y a des hommes qui l'ont fait. Parce qu'eux autres ont eu contact avec cette partie-là, justement, qui est dans chaque homme, dans chaque femme. Ils ont eu contact plus grand, ben ils ont pu faire ces choses-là. Mais toi, tu t'assois. Pourquoi tu t'assois simplement, puis si tu réussis à le vivre, tu peux faire un voyage astral pour aller apprendre à jouer de la musique. Mais si t'es plus wise encore, tu vas tout de suite jouer bien de la musique. Tu sais, t'auras pas besoin de l'apprendre. Sauf, il va falloir que tu te mettes en contact. La personne qui se prend pour Beethoven, il se trouve qu'elle joue bien du piano, puis elle joue comme Beethoven. La personne qui se prend pour Mozart, il se trouve qu'elle joue Mozart. Ah, mais là, il y a des joueurs de l'astral, s'il se prend pour celui-là. Moi, je parle de quelqu'un qui est conscient de la situation. Ben, au lieu de faire manipuler, il va manipuler l'astral, c'est-à-dire qu'il se met en contact. Moi, j'embarque sur le piano, puis je le fais. Oui, mais si un fou peut le faire, un gars intelligent peut le faire avec. Hein? Ce qui fait que si toi, t'es conscient de ce que tu fais, tu peux le faire. Y a aucun problème. C'est évident. T'es en contact direct avec ton astral, avec des mémoires. Comme il y a des individus, tout d'un coup, qui vont faire certains actes dans certaines situations dangereuses, des choses bien coordonnées, bien correctes. Puis après ça, ben les autres, ils comprennent pas comment ils ont fait, puis ils l'ont jamais vu, mais là, ils savaient. Ben c'était pas Dieu, c'était pas quoi que ce soit, c'est simplement qu'à ce moment-là, il se trouve que leur harmonique astrale, individuelle, était en contact avec la connaissance de l'astral de cette chose-là. À ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu aussi une autre énergie qui serait venue s'infiltrer? Très rare, très rare. Tellement rare qu'on n'en parle pas. Puis si on en parle, il y en a plein qui envoient partout. Okay. Ce qui fait que j'aime autant qu'on n'en parle pas. Parfait. Mais à un moment donné, tu te coupes. Puis là, j'ai fait telle chose, j'ai serré bébé mon bras, puis ça a arrêté, j'ai tout bien fait. Ben, t'as bien fait parce que tu serais pas là pour me le compter si tu l'aurais pas fait. Mais tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Il y en a d'autres qui sont tellement pris par leur astral qu'ils vont se mettre à crier carrément à la place puis ils vont tout aller à la maison. Mais il y en a d'autres qui, tout d'un coup, font quelque chose qui a de l'allure. Il y en a qui se cassent une cheville et qui rentrent chez eux à pied. Tu sais, il y en a d'autres qui se cassent une cheville puis qui savent tout de suite, bon, d'instinct quoi faire. Mais cet instinct-là, c'est simplement la mémoire astrale de quelqu'un qui l'a déjà fait, d'un médecin, d'une connaissance que tu peux appliquer. Alors, à un moment donné, tu prends un extincteur, tu éteins un feu. Mais t'as-tu déjà appris à te servir d'un extincteur? Non. T'as-tu déjà regardé comment c'était fait? Non. Ben, t'étais chanceux à maudit d'être connecté avec une mémoire d'un gars qui savait s'en servir. À ce moment-là, tu penses pas à hier, puis tu penses pas à demain. Non, tu l'appliques. Tu l'appliques ou t'as peur. C'est ça. Un ou l'autre. N'est-il pas plus sûr et plus efficace de puiser directement dans l'énergie créatrice pour... Oui. Pour poser une action, guérison, etc. que de passer par l'astral en voyage ou non. C'est absolument évident que l'énergie intentionnelle ou créatrice est de beaucoup supérieure, dis-je, à l'énergie astrale. La seule chose qu'il y a, c'est que l'individu est-ce qu'il est capable de discerner entre l'énergie créatrice, l'énergie intentionnelle, et l'énergie astrale qui vient parler en lui, parce que l'énergie astrale a en mémoire tout ce qui a été fait comme énergie créatrice, donc l'énergie astrale peut venir se présenter à toi sous forme d'énergie créatrice, sous forme de n'importe quoi qui a déjà existé, et toi tu peux penser que c'est ça, et si tu décides que tu crois qu'à cette énergie créatrice-là, ben si c'est pas la vraie, qui est identique à la vraie, à un moment donné, tu vas faire comme certains, tu vas massacrer du monde. Alors, c'est évident que l'énergie créatrice est de beaucoup supérieure, mais ça, c'est un individu qui est capable de laisser couler l'énergie créatrice en lui, c'est un individu qui est capable de ne pas avoir de mémoire. Et s'il n'a pas de mémoire, il vit donc avec le savoir instantané, qui est une des expressions du savoir instantané, c'est l'énergie créatrice. Justement, qui te permet de savoir ce que tu as à savoir quand tu as besoin de le savoir, puis de ne pas le savoir quand tu n'as pas besoin de le savoir. Savoir instantané, tu n'as pas besoin de mémoire pour ça. Mais ça, c'est évident que oui, et c'est là que l'homme s'en va. Mais pour l'instant, ben, si tu n'as pas le choix, tu ne sais pas tout, mais tu es mieux de lire des livres. Mais quand tu lis des livres, ben, faut pas que tu penses que tout ce que l'auteur dit dedans est vrai. Mais c'est la même affaire pour l'astral. Vu que tu ne peux pas faire ça, ben, fie-toi au moins à tes mémoires, mais check-toi en maudit. Elle peut te tromper ta mémoire. Puis encore bien plus la mémoire de quelqu'un que tu ne connais pas. D'ailleurs, pour arriver à l'énergie créatrice, il faut contrôler, sans la contrôler, l'astral. Il faut neutraliser l'astral. C'est-à-dire qu'il faut transmuter l'astral en d'autres choses. Oui. Oui. Voilà. Oui, c'est plutôt ça, oui. Le phénomène de la possession par une entité ne serait-elle pas une ancienne mémoire d'une autre vie qui continuerait à poursuivre le possédé? Marie. Oui, bon, mais Marie, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la mémoire de notre vie, on a déjà expliqué lors d'une conférence qu'on a faite ici qui s'appelait la réincarnation, ce qu'était la réincarnation. Alors, ce qui fait que la mémoire d'une entité qui se réincarne, ben de toute façon, il y a une réincarnation qui est pluralitaire dans un individu. Alors, on me demande souvent des questions dans le genre, mais je peux pas revenir sur la réincarnation parce que j'ai déjà fait une conférence là-dessus, puis ça avait pris plus que 2 heures, alors on s'imagine que ça peut donner en 15 minutes. Puis je parlais vite, puis j'ai bien résumé, cette fois-là. Alors, ce qui fait que, de toute manière, une chose qui est sûre, c'est que n'importe quelle possession qui existe dans l'homme, c'est l'astral qui possède l'astral. C'est l'astral planétaire qui possède l'astral individuel, donc c'est l'âme qui est maganée, parce que l'âme a laissé une forme vibratoire, mémorielle, qui soit une chose qui s'est réincarnée dans toi, mais habituellement, c'est rare. Parce que une personne qui... des dédoublements de personnalité va souffrir, justement, va vivre le phénomène d'individus réincarnés dans lui qui ne sont pas fusionnés, et normalement, la fusion des personnalités réincarnatives se fait vers l'adolescence, même un peu avant, normalement. Alors, quand une personne est possédée, c'est plus souvent, quoi, ça peut arriver que ce soit, justement, un dédoublement total, alors il y a une partie d'elle qui s'est réincarnée, donc une mémoire, qui refuse obstinément de se fusionner aux autres, donc de créer une individualité. Il y a donc 2 individualités. Mais là, il faut créer une fusion. Habituellement, les possessions ne sont pas faites par toi qui meurs et tu ne veux pas mourir. Et puis, tout d'un coup, 15 ans après, ou 15 générations après, par exemple, ou bien non, 3 générations après, l'enfant qui vient au monde est similaire à celui qui est mort là, en termes de corps, et l'entité veut s'en emparer. Et là, il y a une lutte pour avoir une possession. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça a déjà été expliqué comme ça par Gérard Encausse, Papus, entre autres, puis par d'autres. Mais vu l'époque, la compréhension qu'ils en avaient ne pouvait pas être, du moins l'enseignement ne fait pas déborder ça. Alors, ce qui fait qu'une possession, c'est toujours mémoriel, mais c'est pas une entité propre qui... C'est pas toi, dans une autre vie, qui veut te reposséder dans cette vie-là. C'est pas de même que ça marche. C'est pas la mémoire de toi non plus. C'est une mémoire, ça c'est sûr. Une mémoire d'une personne qui peut être dans toi, mais c'est plus souvent qu'autrement une mémoire d'un événement, d'un égrégore. C'est rarement un individu qui va posséder quelqu'un, sauf si quelqu'un va absolument communiquer avec les morts, quelqu'un fait du spiritisme. Il peut arriver que la mémoire, c'est toujours pas une entité, là, que la mémoire qui rentre à l'intérieur de l'homme finisse par vouloir s'emparer de l'ego de l'homme, donc elle va finir par contrôler l'ego de l'homme. On dit que l'homme est maître de l'astral. Est-ce que tu es d'accord avec c'est ça? C'est l'homme qui dit ça. Oui. Et l'homme qui dit ça, c'est un homme qui est possédé par l'astral. Dans ce sens qu'il est roi et maître chez lui, dans son corps physique, pour en faire ce qu'il veut. C'est Boulacral qui dit ça. pour ça. Le gars qui pense ça, il va se faire fourrer par l'astral. Il vient peut-être de se faire fourrer, mais seulement qu'il n'y a pas de sentiment de posséder, d'être possédé ici et ça. Et quand il arrive à des endroits où il y a des entités, il fait ce qu'il a à faire, puis les entités s'en vont, puis il n'a pas peur, puis ça va dans la vie. Le mental travaille avec lui. Mais ceux, habituellement, avec qui ça arrive, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Ça, faut faire, il y a une bonne nuance entre les deux. La personne qui rentre quelque part où il y a des forces sataniques, puis qui dit « allez-vous-en », puis qui s'en vont toutes. Il peut être totalement possédé par l'astral, puis il y a juste l'astral qui peut commander à l'astral. Alors, s'il est possédé par l'astral, ce bonhomme-là, c'est un sorcier, donc un mage noir, et c'est quelqu'un qui est possédé par la même entité qui demande de sortir. Il y a juste Satan qui peut dire à Satan de s'en aller. Sauf si l'homme est un homme qui a un mental supérieur, donc un mental qui va contrôler le phénomène astral, donc l'astral ne vient pas perturber le mental, jamais. Il peut avoir des émotions quand ça lui tente d'en émettre, parce que c'est une communication avec l'entourage, pas parce que l'astral veut s'exprimer. Et si lui dit à certaines forces de s'en aller, elles vont s'en aller parce que ce mental-là contrôle l'astral. Mais la majorité des individus qui font ça sont assujettis à l'astral, et l'astral, pour leur donner l'impression qu'ils contrôlent, va obéir au phénomène astral qu'ils ont en eux, qui est égoïste, et qui leur donne une espèce de complexe de supériorité personnelle, là, que c'est pas nécessaire qu'ils démontrent aux autres. Mais lui, il y a un qui a dit telle chose, puis ça s'en va. Ça, c'est bien plus souvent qu'autrement astral. Quand la peur n'existe plus, oui. Mais encore là, il faut réellement qu'un individu soit rendu très haut. Il y a des individus qui pensent qu'ils ont plus peur. J'en ai eu en séminaire, moi, qui pensais qu'ils n'avaient plus peur. Puis je leur ai juste expliqué comment je leur ferais peur, puis ils ont eu assez peur qu'ils veulent s'en aller. Bon. Puis quelqu'un qui a pas peur, qui pense qu'il a pas peur, là, on dit franchement s'il veut s'éprouver, il y a bien des manières de l'éprouver. Mais il y a des choses, il y a des individus qui ont pas peur. Il n'y en a quelques-uns. Sur la terre. Quand tu es au point que tu peux crier ou parler, ou faire ce que tu as à faire pour exorciser ou envoyer quelque chose, ou absolument ne rien faire à ce moment-là. Tu peux te rapprocher de la peur, mais une chose qui est sûre, c'est que va-t'en dans c'est le bois à minuit, quand il fait bien frais, bien froid, va-t'en sur un lac de glace qui est en train de casser, là, mais qui peut encore tenir, là. Va-t'en là-dessus, la nuit tout seul, dans le bois. Pas de chemin, pas rien, pas de flashette capote, pas rien, tu vois rien. Là, commence à appeler Satan, à appeler Belzébuth, à appeler Lucifer, puis commence à les insulter, puis commence à leur dire que t'es le maître. Puis crie, puis crie, puis crie, puis fort. Puis là, quand tu vas entendre des arbres tomber, puis des roches, des bébêtes, puis la glace qui craque, là, puis continue à crier. Puis si tu continues à crier, c'est parce que t'as pas peur. Bon. Puis quand t'as tout fait ça, là, mais commence maintenant avec l'entité autre, Dieu. Puis insulte-le, lui, avec. Parce qu'il y en a bien qui peuvent s'imaginer qu'ils n'ont pas peur. Parce que dans leur fin fond astral, ils se pensent protégés. Mais détruis même tes protections. Défais tout au complet. Faut en venir à ça. Oui. Mais là, si tu continues à le faire, puis après ça, en fin de compte, tu pourras arriver, puis tu rentres chez vous bien sagement, puis tu dors comme une bûche, t'as pas peur. Mais sans ça, t'as peur. Puis la peur, c'est terrible. Puis le gars qui pense qu'il n'a pas peur, ou la femme qui pense qu'il n'a pas peur, elle est mal pris en maudit, parce qu'un jour, elle peut avoir peur, puis elle s'attend pas à avoir peur, puis là, elle va capoter. C'est dangereux en tabarouette. Oui, j'ai pas peur, mais tu comprends, d'un coup, tu comprends plus rien, t'as peur. Ben, pour vivre comme ça et que ça fonctionne pendant des années, comme certaines personnes dont je connais, et qui n'ont pas peur et qui sont très bien dans leur peau par rapport à ça, ils en profitent pendant ce temps-là. Ah ouais, c'est sûr. Ça va de soi, mais il y a un mot de danger quand c'est pas le mental qui domine, comme j'expliquais, puis quand c'est l'astral. Puis si quelqu'un veut voir c'est quoi la peur, veut voir s'il n'y a pas peur, il y a bien des moyens. Il y en a bien qui ne reviennent pas non plus. Oui, c'est en pourcentage. La majorité si tu as peur, oui, je comprends. Pour matérialiser des biens, des désirs, il ne s'agit pas seulement de grossir des égrégores, as-tu dit. Voudrais-tu nous expliquer le fonctionnement pour y arriver plus rapidement? Merci. Je n'expliquerai pas le fonctionnement pour y arriver plus rapidement parce que l'être humain n'est pas prêt à pouvoir se servir des égrégores. Tout ce qui est dit en conférence ou n'importe où, et ça, ben il n'y a pas grand personne qui l'ont dit jusqu'à date, mais il y a un écosystème psychologique, puis une écologie psychologique à respecter, et ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que si je le dis, c'est mémorisé, et n'importe qui en voyage astral a accès à ces connaissances-là, puis n'importe qui, ça veut dire du plus bas aller au plus grand. Puis le plus grand, il sait, le plus bas, il ne sait pas, mais il veut le savoir. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'ils m'ont juste expliqué le phénomène. À un moment donné, là, on va être capable. Il y a certains individus qui vont commencer pour le démontrer. Ça va venir d'ici 2 ans. On bâtit un égrégore, on bâtit quelque chose, un immense château qui flotte. Si on est capable de le faire descendre dans l'homme, ben automatiquement, l'homme peut s'en servir. Mais l'homme, présentement, ne fait que le bâtir. Et l'homme croit s'en servir en le bâtissant. C'est vrai. C'est-à-dire que l'homme ne... On parle de guérison. L'homme ne guérit pas l'humanité, ne guérit pas personne. Mais l'homme, en voulant faire ça, ben, va le faire. Mais pas lui. Dans 2000 ans, quelqu'un va pouvoir se servir de la force accumulée par tous ceux qui ont voulu le faire, mais qui ne l'ont pas fait. Mais eux autres voulaient une guérison, ils vont en avoir une. Peut-être pas eux autres. Les personnes réincarnatives plus tard. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est ça. C'est qu'un individu qui va pouvoir se servir de ça. Le Nazaréen s'en est servi. Il y en a d'autres qui s'en sont servis, qui se sont servis de l'égrégore de tout le monde. Pourquoi il fallait absolument que tu aies foi et que ta foi t'avait guéri? Mais il fallait que tu viennes agglomérer des morceaux sous l'égrégore. Et Jésus, pouvant se servir de l'égrégore, pouvait faire de quoi? Bon, mais même un individu qui n'avait pas foi, à un moment donné, pouvait être guéri. Ce qui fait que vers la fin de son ministère, quelqu'un qui faisait rien que le côtoyer de proche, se trouvait être guéri. Parce que l'égrégore était rendu assez puissant. Aujourd'hui, il est puissant, mais il est puissant. D'ailleurs, Jésus, j'ai même l'impression, de la façon que ce qu'on nous décrit sa vie, que Jésus s'en allait, marchait sur la rue, n'appelait pas l'égrégore, mais l'égrégore le suivait, puis rayonnait et guérissait le monde qui est à côté de qui il passait. Vers la fin du ministère, c'est ce que je te dis. Parce que l'égrégore était rendu assez puissant, mais dans le début, ça marchait pas comme son ça. Son énergie étant subtile, rejoignait l'énergie de l'égrégore qui était très subtile. Mais veut pas. Alors, ce qu'il fait, c'est que présentement, on ne peut que construire. Voyez-vous, c'est pas parce que on demande, on prie, par exemple. On demandait à Dieu de guérir un tel. Mais toutes ces énergies divines-là, si on parle du Dieu du ciel, c'est évident que le Dieu astral, ça n'a pas rapport. Parlons du Dieu dans les cieux. L'énergie même, c'est pas parce que tu le demandes que tu l'as. Tu fais ça à un marchand de bonbons. Tu fais ça à ton père, physique. Tu fais ça à ton ami, tu fais ça à ta femme, tu fais ça à ton mari. Tu fais ça à ton enfant, tu demandes, tu as. Mais la chose qu'il y a, c'est pas ça. C'est que bien avant que tu le demandes, si t'as à l'avoir, tu vas l'avoir. Pas fou l'autre en haut, puis c'est pas l'autre en haut, parce qu'il est pas en haut non plus, mais en tout cas, bon. Mais pas fou. Alors, ce qui fait que, tu sais, si tu as soif, si tu as à avoir de l'eau, tu vas en avoir. Par contre, si tu demandes de l'eau et que tu es capable de le demander d'une façon à contrôler le phénomène astral, tu vas avoir de l'eau. Là, oui, il faut que tu demandes pour recevoir. Mais ce qui va arriver, c'est que tu peux demander longtemps en maudit pour qu'un autre qui demande pas reçoive. Puis c'est ça qui se passe dans l'astral. Parce que ça va toujours sur vibration, hauteur de vibration. Toi, t'es un demandeur, mais tu demandes d'une façon à grossir un égrégore. Puis lui, en vibration, c'est un gars qui reçoit. Il va recevoir, pas toi. Mais un jour, il va payer pour. Mais il sait pas. Présentement, la chance va bien, il y a tout. Puis toi, ça va mal. Puis toi, tu pries, puis lui, il prie pas. C'est sûr, c'est celui qui va pas qui prie, pas celui qui va bien. Mais à un moment donné, il va payer pour l'autre. Mais ça, c'est une loi karmique qui a rapport à la mémoire, qui a rapport à l'astral. Alors, ce qui fait que présentement, on peut bâtir des égrégores, mais l'homme, je veux pas expliquer comment s'en servir, parce que, justement, l'homme est pas prêt. C'est l'astral qui se servirait de ça. Imaginez-vous Adolf Hitler qui sait servir de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Présentement, on a des armes, on achète des fusils, on barre nos portes, on a un paquet d'inventions faites par notre intellect, mais faites pourquoi? Pour pouvoir assouvir nos peurs astrales. On a des armes nucléaires parce qu'on a peur. Alors, si on est capable de réussir à savoir comment prendre un égrégore qui se promène, le descendre sur la terre et s'en servir, bien, la personne, vous êtes peut-être que vous êtes dans des bonnes conditions ce soir, mais la journée qu'un gars va passer, qui va tout approcher votre char à coup de masque, qui va vous gracher dans le visage, qui va s'en aller, bien, vous allez le désintégrer, ce gars-là. Hein? Si vous savez comment. Parce que vous êtes encore trop émotif, trop astral, ce qui fait que c'est pas encore à la portée de l'homme. Ça va le devenir. Puis c'est drôlement utile à l'homme que l'homme continue à grossir cet égrégore-là. Parce qu'à un moment donné, quand un individu va le descendre sur la terre, il va avoir de quoi réveiller. Alors, c'est bon de continuer à prier. C'est bon de continuer à faire ces choses-là. C'est absolument bon. Pas utile pour l'instant, mais ça n'a pas d'importance. L'homme qui pense que pour l'instant, que pour lui, c'est un homme qui ne vit pas non plus. Ensemble, ceux qui prient sont en train de... De sauver l'humanité. Mais peut-être pas la leur, mais l'humanité pour le vrai. De remplir un contenant. Quand il est plein, il y a un individu qui va servir. D'énergie qui va servir à plus tard. C'est ça. Quand quelqu'un meurt et qu'il va dans l'astral, c'est pour faire quoi et où vont-ils après? Me répondre bien bêtement, bien brièvement, il faudrait simplement se référer à la conférence de la réincarnation. Ça serait trop long d'y revenir, puis on explique C'est quoi le purgatoire, les phases purgatorielles, les schémas? Je pense que ça serait la meilleure chose à faire pour avoir une réponse réellement là, qui aurait de l'allure. Ça serait réellement trop long, parce que je pense que le temps avance puis on a pas mal de... Pouvez-vous nous parler des techniques pour sortir consciemment en astral? Qu'est-ce qui détermine le type de mémoire que l'on contactera? Le monde de l'astral qui déborde du monde physique est constitué de vibrations? Point d'interrogation. Tout est vibration. Il n'y a rien qui n'est pas vibration. Puis, je peux parler des techniques pour sortir consciemment en astral, mais je peux en parler, ça, je donne un cours justement là-dessus. Alors, ce qui fait que, là, comme ça, non, vu que c'est des techniques pratiques, ben on le fait en pratique. Puis, je pense que là, on est un peu trop nombreux. Alors, il y a des cours que je donne justement sur le voyage astral. Il y en a un prochainement au mois d'août, je me souviens pas la date. 15. Le 15, en tout cas, vous pouvez demander à Mario si vous voulez avoir plus de renseignements. Présentement, là, je peux pas, mais on le fait. Il y a des cours que je donne justement là-dessus. Viendra-t-il un temps où l'astral planétaire sera détruite? Peut-on corriger nos mémoires astrales personnelles négatives? Absolument. L'astral, ben, absolument, la dernière question. L'astral planétaire ne sera jamais détruite. Il n'y a rien qui peut être détruit. Tout ne peut qu'être transformé. Et l'astral planétaire, comme l'astral individuel, si vous voulez détruire votre astral, ben, c'est votre astral qui veut détruire votre astral. Comme quand votre pensée pense qu'il faut qu'elle arrête de penser, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle pense qu'elle arrête de penser. Fait qu'elle pense tout le temps. Alors, c'est la même chose. L'homme qui veut détruire l'astral, ben, ou l'astral qui veut détruire l'astral, ne se détruira jamais. Il va se donner des impressions. À un moment donné, l'astral va finir par évoluer, c'est-à-dire qu'en termes de vibration, elle va augmenter. Et quand une vibration, elle est plus haute, on dit que la personne, elle est haute. Hein? Elle est haute en évolution. Alors, peut-on corriger nos mémoires astrales? Mais absolument. C'est-à-dire que ce qu'on corrige, c'est pas la mémoire. La mémoire, elle n'est pas fautive. Mais on va corriger, nous, le vomissement continuel, col astral, de cette mémoire-là dans notre conscience. Hein? C'est ça, une mémoire négative. Une mémoire négative, c'est une mémoire qui nous nuit. Mais la mémoire elle-même n'est pas négative. Quelqu'un qui voit un cheval puis qui a peur, ben c'est pas une mémoire négative. Parce qu'un cheval ou une mémoire de cheval, c'est pas négatif. Même s'il t'a donné un coup de sabot, ben non, il t'a fait d'autres choses sur toi. Ça va neutraliser. C'est ça. Il y a des techniques qui vont s'enseigner à partir de cet automne. Il y a des choses qui peuvent être faites, justement, pour qu'un individu puisse arriver à se servir de ses mémoires quand il en a de besoin. Ça, c'est le mental qui fait ça. Alors qu'automatiquement, quand c'est le temps de rire, tu ris. Puis quand c'est pas le temps de rire, ben tu ris pas. Puis quand c'est le temps d'avoir peur, t'as peur. Puis comme c'est jamais le temps d'avoir peur, ben t'auras plus peur. Parce que tu peux contrôler. Mais sinon, c'est l'émotivité qui vient s'exprimer, toujours quand il faut pas, rarement quand il faut. Puis elle veut tout ce qu'elle veut, c'est s'exprimer. Mais ça, le mental peut savoir quand il faut. Alors, on peut corriger, disons, le vomissement continuel de notre mémoire astrale, dans notre conscience. Mais les mémoires sont pas négatives, là, mais on peut améliorer ça d'une façon absolument parfaite. Comment on mémorise une mémoire pour avoir des choses matérielles? Bon, ben, disons que je vais sauter cette question-là. C'est une question d'ordre astral. Comment on mémorise une mémoire pour avoir une chose matérielle? C'est comment qu'on forme une forme pensée, comment que je me répète simplement, je vais avoir tel auto, je vais avoir tel auto. Alors, c'est des techniques. La prière, c'est une forme de technique. Je pense qu'il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur les formes de prière. Les Rose Croix ont une certaine forme de prière. En passant, Daniel, en passant, Raphaël Payeur va donner un séminaire. Oui, sur qui va couvrir la magie. Tout ça, un séminaire de 9h le matin à 9h le soir, oui. Sur les techniques. Et la magie, pratiques. La magie, c'est ça, la magie, c'est la prière. On a les mages qui sont les sorciers blancs, donc la magie blanche. Puis évidemment, on a la magie noire qui est les sorciers noirs. Un mage, normalement, c'est blanc, puis un sorcier, c'est noir. Alors, ce que Raphaël fait sur la magie, bien évidemment, il faut bien comprendre par là que c'est la magie blanche. Comme Merlin, hein, c'est le seul qu'on connaissait, disons mage, mais il y en a eu d'autres. Le mage, c'est quelqu'un qui est blanc. Alors, ce qui fait qu'il y a des techniques pour le faire, mais la chose importante, c'est pas de réussir à avoir quelque chose de matériel. C'est de savoir si réellement on en a besoin, puis si réellement on a en masse d'énergie pour pouvoir mettre de l'énergie dans l'obtention d'une chose matérielle et d'en garder assez pour pouvoir vivre réellement heureux tant qu'on ne l'a pas. Si on a des enfants, de s'en occuper. Si on a une femme, un mari, de s'en occuper. De continuer à travailler. Merde, de continuer à vivre sur le moment présent. Puis ça, c'est l'énergie devrait être placée là. Bien plus que dans l'obtention de choses matérielles. Quand l'individu comprend ses problèmes, bien les choses matérielles, il ne veut plus les avoir pour régler un problème. Parce qu'il n'y a plus de problème. Puis quand un individu n'a plus de problème, ben il y a bien des choses matérielles qui a plus de besoins, puis des choses matérielles qu'il y a déjà, qui réussit à transformer pour l'adapter à ce qu'il y a de besoin. Alors, avant de placer de l'énergie dans la recherche de l'obtention d'un phénomène matériel, il y a des techniques pour faire ça, mais c'est bien plus important de canaliser l'énergie dans le moment présent qu'on vit. Vous êtes malheureux, vous pensez qu'en ayant un gros système de son ou une grosse maison, vous allez être mieux. Ben c'est faux. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas l'énergie pour être heureux là. Vous n'aurez pas l'énergie pour obtenir la chose matérielle. Elle doit prier longtemps à tabarouette, quand vous allez de la oise, ça fait 15 ans que vous n'en voulez plus. Alors ce qui fait qu'il faut faire bien attention à ces choses-là. Ça se fait. Mais c'est pas ça le travail de l'homme. Vous voulez avoir une meilleure maison, vous allez pouvoir mieux vous occuper de vos enfants. Non. Problème, il est dans l'homme, il est dans la femme, il est dans les parents, pas dans la maison. Pas dans la maison pantoute, c'est pas vrai. Alors, ce qui fait que, si vous avez bien de l'énergie, assez pour être heureux de tout faire, ben là, OK, vous pouvez en mettre là-dedans pour essayer d'avoir des choses matérielles ou même des choses humaines. Là, vous pouvez le faire. Mais vous le ferez pas si vous en avez en masse pour être heureux. Si vous voulez faire des choses comme ça, avoir un bon poste de travail. On peut faire des projections dans le genre, mais c'est pas la solution au problème humain. La solution au problème humain, c'est de garder l'énergie qui est en lui, pas toujours la projeter vers d'autres choses. Parce qu'on sait pas ce qu'on veut exactement. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux présentement? Gagner 1 million à loterie, ça peut ressembler à ça, parce qu'avec 1 million, vous allez être capable d'essayer le char, c'est pas ça, on le met aux poubelles, d'essayer le système de son, c'est pas ça, on le met aux poubelles, d'essayer la maison, c'est pas ça, on le met aux poubelles. 1 million de dollars, on pense, ça peut nous rendre heureux. Quand on l'a, ben là, on n'ose même plus rien faire avec, on ne sait plus, à part quelques rares individus. Mais 1 million, on ne l'aura pas. Vous voulez avoir une nouvelle robe, une nouvelle paire de pantalons, un nouvel système de radio, n'importe quelle chose matérielle, mais vous ne vous connaissez pas. Alors, vous ne pouvez pas savoir si réellement ça va vous amener quelque chose ou ça va vous l'amener temporairement. Mais temporairement veut dire que vous allez avoir peur de le perdre, veut dire que vous allez souffrir. Surtout quand vous allez l'avoir perdu. Veut dire, vous allez recommencer la démarche, puis recommencer à mettre de l'énergie. Faut mettre l'énergie dans ce qu'on est présentement, bien plus que dans la recherche. Bien important. Daniel, avant de faire des projections pour obtenir des choses matérielles, si l'individu se référait aux paroles, je pense, qui ont été les plus importantes de l'enseignement de Jésus de Nazareth, qui était de faire la volonté du Père, au lieu de penser que c'est des choses matérielles que tu as besoin, si tu demandes si c'est la volonté du Père... Oui, c'est vrai, mais le maudit problème là-dedans, c'est que l'homme ne discerne pas le Père du ciel, le Père de l'astral, le Dieu créé par l'homme à son image et à sa ressemblance, du Père dans les cieux. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce que tu désires avoir, si tu ne l'as pas présentement, c'est parce que tu n'es pas organisé pour l'avoir. Donc, si ça devait être là pour toi, c'est que toi, tu as fait un choix et tu n'es pas dans le bon chemin. Bon, si tu veux avoir comme l'autre, tu essaies d'avoir comme l'autre, ton chemin il est là, puis t'arrêtes tout, mais toi, tu vas essayer d'avoir comme un autre. Faut que tu suives le chemin de la vie. Le chemin de la vie, ben, c'est, on peut pas répondre là. Faut que tu prennes des décisions quand il faut en prendre, faut que tu n'en prennes pas quand il faut pas que tu en prennes. Puis l'homme, habituellement, il en prend quand il faut pas, puis il en prend pas quand il faut. Oui, bon. Ouais, mais quand même, le Nazaréen, il a pas laissé ça, nous a pas laissé ça en héritage pour rien, et seulement pour quelques individus. Naturellement, les grands l'ont tout capté, les grands initiés l'ont capté, ils l'ont appliqué. Mais la personne, par exemple, qui débute à penser qu'il faut faire la volonté du Père, le Père dans les cieux, qui lit mais un la première peu volonté de du ça, Père que ou tu dois qui faire, suit là, à son c'est ça, ligne, là. C'est là. Elle est là, la volonté du Père. Premièrement, elle est ça. Là. Alors là, que quand tu veux avoir une Rolls Royce, disons une chose matérielle, d'une Rolls Royce ou un grand chum aussi, ou ça, je vais prendre juste un exemple dont la sœur qui était ici au Québec, qui enseignait là, Marie d'Incarnation, pas Marie d'Incarnation, Marguerite Bourgeois. Bon, qu'est-ce que c'est qu'elle enseignait aux petites filles, elle, à ce moment-là? Tu vas peut-être me dire, c'est astral, là, mais... Par contre, ils ont fait des petits tests dans ce temps-là, là. Et puis, elle avait développé une sorte de prière. C'était astral, OK? Mais au lieu que les petites filles choisissent, puis cherchent, puis qu'ils prient pour avoir le chum qui était pour les marier, OK? Il fallait qu'il y ait ce qui était le mieux pour eux autres. Tu sais qu'il trouvait, il y a un corps athlétique, il est grand, il a des belles oreilles, beau frisé, les yeux bruns, un beau petit bedon, un petit chandail vert. Non, tu ne l'as plus pas en tout. Alors là, la petite fille, elle le trouvait, puis elle le mariait, puis ça n'allait pas. Elle enseignait c'est-à-dire, il priait, puis il demandait de rencontrer l'homme qui deviendra le mari approprié pour les rendre heureuses dans la vie. Et puis, le résultat, et puis ça, vous pourrez vérifier, il y a eu des enquêtes de fait, le résultat est absolument incomparable. C'était 98-99% de réussite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu là-dessus, mais c'est un pas vers... C'est évident. Ça peut se faire jointeau. L'homme, mais c'est mieux de faire ça ben que oui. de dire que je vais avoir quelque chose Sauf de matériel. Que tu passes ton temps je vais avoir un Rolls Royce, je vais avoir une maison, je vais avoir aussi quelqu'un qui utilise les forces pour avoir des choses comme ça. C'est deux techniques. Et mieux, je pense, de commencer puis regarder ce que c'est que le Nazaréen Jésus a voulu laisser en héritage là-dessus. Oui, tu as toujours, comme j'expliquais, celui qui trouve qu'il a juste ce dos puis celui qui trouve qu'il a encore ce dos. Bon, bien, celui qui trouve que juste ce dos, bien, il va avoir plus de choses. Mais avant tout, il faudrait qu'il se connaisse lui-même, puis c'est la même affaire. Fait que du moins, tant qu'à vouloir faire une projection, tu te projettes simplement que je veux tout comprendre, je veux tout connaître, puis je veux avoir tout ce qui est parfait pour moi. Bon. Mais c'est pas moi qui va juger ce qui est parfait pour moi, parce que celui qui va juger, c'est encore ma mémoire, c'est encore mon astral. C'est parfait pour moi, c'est merveilleux. T'écoutes, tu l'autre passer avec un carnet avec trois boules dessus, tu n'as que deux. Je me suis fait fourrer. Ben, c'est ça. C'est toi qui juges qu'est-ce qui est bon pour toi, là. Ouais. Tu te fais fourrer, mais par toi. Oui, mais si tu relis pour les paroles de Jésus de faire la volonté du Père, c'est expliqué différemment. Oui, mais le seul problème, c'est qu'il y en a qui veulent faire la volonté du Père. C'est pas l'ego de l'humain qui est placé. C'est son cornet à trois boules, là, et qui ne me fasse pas en croire, là, que, c'est-à-dire le cornet à deux boules, parce qu'il y en avait une boule de plus ailleurs. Là. Des boules, je comprends que ça a fait changer bien des affaires sur Terre. Mais. Le cornet. Oui, mais ça, c'est. Le gars qui pense qu'il fait la volonté du Père en voulant une boule de plus, là. Bon, quelle méthode utilises-tu lors du cours Voyage astral? Merci. Ma méthode à moi. Est-ce que la conscience va automatiquement dans l'astral pendant le sommeil que pour d'autres expériences? C'est-à-dire que la conscience ne va pas nécessairement dans l'astral. Elle peut descendre dans les pieds, elle peut aller dans l'astral, elle peut aller dans le mental, elle peut aller dans le supramental pour certains rares individus. Elle peut aussi aller au niveau du physique total, de la matière, comme elle peut aller au niveau du vital. Alors, ce qui fait que non. Mais habituellement, presque pour tout le temps du monde, même les animaux, tous ceux qui ont un phénomène astral qui commence à être développé un peu, les plantes en ont un, mais il n'est pas assez développé encore, mais on parle des animaux en montant. Ben, du moins d'une certaine race d'animal en montant, ceux-là, normalement, vont dans l'astral. Puis dans l'astral, faites-moi confiance qu'il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut imaginer, il y a à peu près tout. Il y a la mémoire de la matière, la mémoire du vital, la mémoire de l'astral, la mémoire du mental, la mémoire du mental supérieur. Pardon, il y a tout et c'est à date d'une fraction de seconde. Ouais. Alors, ce qui fait que normalement, c'est dans l'astral que la conscience astrale va se promener, ouais. Lorsqu'une personne sort de son corps, peut-elle s'échapper de l'attraction terrestre, Gilbert? Bon, Gilbert, une personne ne sort pas de son corps réellement. Là, on peut prendre ce terme-là. Là. Je veux juste spécifier que la personne, sa conscience s'éteint quelque part. L'attraction terrestre, vois-tu, c'est que le voyage astral même, présentement, peut amener l'individu à former, à imaginer des choses, parce qu'on a des connaissances au niveau des planètes et ces choses-là. Mais le voyage astral ne se fait que dans l'astral planétaire. Mais dans la mémoire planétaire. Donc, tu ne quittes pas l'attraction terrestre. C'est-à-dire que l'attraction n'a pas d'effet sur l'attraction terrestre n'a pas d'effet sur le corps astral. Par contre, l'attraction astrale en a une. Et l'astral planétaire, la planète Terre a une âme, elle est limitée. Alors, ce qui fait que tu as la connaissance de toutes les connaissances qu'il y a sur la Terre présentement, qu'on a de l'extérieur. Et tu peux visiter ça. Donc, tu peux t'imaginer être sur une autre planète, mais tu restes quand même dans la mémoire planétaire. Tu peux pas aller ailleurs que dans la mémoire planétaire, dans le voyage astral présentement pour l'homme. Mais dans la mémoire planétaire, il y a la Lune, il y a les étoiles, il y a en masse. Ce qui donne l'impression. Lorsque les gens sont dans le coma, sont-ils en astral? Normalement, un individu qui est dans le coma est dans l'astral. Sauf qu'il peut être projeté dans l'astral à côté de lui, donc il peut se voir, comme lors d'un coma causé par un accident subitement, lors d'une anesthésie médicale, comme il peut se ramasser n'importe où ailleurs dans l'astral. Mais un individu qui est dans le coma est dans l'astral puis il reste vivant. Oui. Alors, sur ceci, Daniel, on termine la conférence de ce soir, qui fut très intéressante. Je te remercie. Thank you. reste une question et deux tiers.